Alors, peut-être on peut parler du coup tout de suite de comment se passait le tournage, puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein, que ce sujet de FR3 biaisait peut-être un peu la façon dont ça s'est passé sur l'ensemble des films, c'est-à-dire la présence de Gatti et sa direction sur les tournages. Finalement, son rôle était surtout en amont, en écriture. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, justement ? Non, ce qui était très important, c'est que la mise en route du travail se faisait d'abord avec une rencontre avec Gatti, où pendant plusieurs jours, ils discutaient de qu'est-ce qui pourrait faire scénario. Et on ne tournait pas une image, hein, donc ça, ils discutaient, ils voyaient. Et c'était concrétisé quand enfin on avait trouvé le comment commencer, par une affiche. Et donc cette affiche, donc il y a des fiches pour tous les films, et cette affiche était collée dans plein d'endroits à Montbéliard, comité d'établissement, enfin ça dépend des nationalités, et donc elles annonçaient le fait que enfin le tournage du film se fabriquait. Après, c'est vrai que Gatti a été là à tous les tournages qu'on voit, qu'on tourne dans un lieu clos là-bas, je me rappelle plus son nom, hein. Et donc dans lequel on faisait les affiches de sérigraphie, on tirait les photos, on faisait les réunions de groupe, etc. Donc là, et il a suivi, parce que je dis ça parce que c'est important, parce qu'il y a des tournages qu'il n'a pas trop suivi, le Marocain, le Yougoslave, Ripoyès, il est venu beaucoup, l'Italien, il n'est pas venu, etc. Sauf pour les tournages qui se faisaient en intérieur. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que sur le film espagnol, qu'il a tout suivi parce qu'il aimait beaucoup Ripoyès, en fait, on voit pendant le tournage comment il écrit le scénario en temps réel, tout ce qu'il voit, comment ça se passe, comment il pose des repères de plans qui vont lui servir à construire son histoire, etc. Donc, effectivement, quand il était là, c'était un gain pour le film et après pour le tournage par la suite, parce que le film sur Radovan, ils ont fait plein d'images, etc., etc. Mais quand on est parti de Montbéliard, ils ne savaient pas ce qu'il allait faire. C'est-à-dire comment je vais pouvoir raconter cette histoire et que c'est l'envergure de ce qu'il joue. Or, visiblement, pour Gatti, ce qu'il jouait, c'est comment le fils de partisan qui avait fait la résistance en Yougoslavie, aujourd'hui, se trouvait seul, solitaire, à donner des coups de poing seul contre cette voiture. Donc, s'il prenait juste le récit qui pouvait se faire à partir de Montbéliard, ça n'allait pas. Donc, il a fallu, quand il est rentré à Paris, qu'il y a eu cet énorme banc-titre qu'a fait Hélène, qui lui a pris plusieurs mois, parce que les machines étaient un peu incertaines, et pour arriver à ce que le récit prenne. On peut revenir un peu sur le rôle des affiches, justement, puisqu'on voit qu'il y a des affiches qui initient les tournages, hein, qui servent de scénario. Il y a aussi des affiches bilan, bilan d'étape et bilan de l'expérience. On peut peut-être, Alain, on peut peut-être faire défiler les quelques images. Est-ce qu'on peut les commenter un petit peu ? Nicolas Hatzfeld voilà vient d'arriver, par ailleurs. Et Yves Cohen est juste derrière aussi, puisqu'on vous a aussi annoncé comme potentiellement venant. Voilà. Donc, en fait, c'est assez... les affiches, et il y en a une de base qui servait à annoncer le film. Et puis, après, il y avait plein de gens qui participaient à la fabrication des affiches. Il y avait un graphiste qui venait du CAC, qui s'appelait Walter Takeni, qui a fait le plus grand nombre d'affiches. Il y avait, par exemple, celui qui était un graphiste qui venait du groupe polonais, donc qui faisait ces affiches-là. Et là, il y avait celle-là, celle à droite, c'était déjà... il était photographe, mais il était un peu graphiste, donc ces affiches sont un peu plus posées. Moi, j'en ai fait toute une série, donc c'est vrai que ça racontait tous les moments du scénario en cours d'écriture, parce que c'est vrai que au départ, ils sont partis de l'idée du groupe Sirena. Et puis après, dans le scénario, est devenu central le personnage de Tadeusz, qui est celui qui fait le lien avec la Pologne. C'est le seul. Tous les autres, ils ne sont pas polonais. Donc c'est autour de lui que ça se met en place. Donc effectivement, avec les affiches, on suit l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur du tournage. Vous nous aviez dit aussi en préparant la séance que c'était des contrats sur papier. Et une fois que l'affiche était réalisée, c'était aussi que le film allait se faire. Voilà, oui, c'est ça. Ça veut dire qu'ils vont commencer à tourner. Alors là, on n'avait pas de groupe turc, mais c'est vrai que comme on était... Le musicien était turc et c'est lui qui a fait toute la musique du film. Quand cet ouvrier est mort, il y a Christian Chirakadze et moi, on a fait une affiche comme ça qui, on espérait, s'adresser à la communauté turque. Et en fait, voilà, il n'y a eu que la musique de typiquement turque. Puis ces affiches avaient une partie rare quand même. C'est qu'elles étaient recto-verso. Donc, il ne faut pas l'oublier. Pas toutes, mais un grand nombre. Mais ça venait du Brabant Wallon, ça, comme le journal était... Non, les affiches étaient le journal du travail. Donc, elles étaient faites systématiquement recto-verso. Là, ce n'était pas le cas, mais on a continué. Là, on voit le graphisme de Walter Tacchini. Qui avait un style qui se reconnaît dans toutes les affiches. Parce que sur l'extrait de film qu'on a vu avant, fait par FR3, quand il parle, le commentaire a l'air très sûr, mais quand il a filmé ses extraits, à la fin du tournage, il y a un d'eux qui parle de Gramsci, et qui dit cette citation qui ne traduit pas aujourd'hui, continue à lire, c'est fuir. C'est compliqué, même dit par Gramsci. Et en fait, le réalisateur est venu voir Gatti, et il lui a dit, c'est qui Gramsci? Entre-temps, il avait tué, on lui a dit...